Maintenant, on va passer une petite chanson pour toutes les femmes et toutes les autres femmes de l'humanité, celles qu'on aime et qui nous font rêver. C'est parti, Laurent. Non, il a la guitare. A ver, amigo, ¿qué pasó, amigo de la bolita? Puro bueno de este lado.